What's the measure of a man? Ask me and I'll tell you. You know the measure of a man? Ask his family. It's the warmth in his voice and the twinkle in his eye, like a towering oak tree sheltering. He doesn't want for the limelight. He's an unsung hero, making the world a better place to be. You can't measure a man by the size of his wallet. You can't measure a man by his following. You can't measure a man by clothing or status. You can't measure a man by property. No, it's the warmth in his voice and the twinkle in his eye, like a towering oak tree sheltering. He doesn't want for the limelight. He's an unsung hero, making the world a better place to be. The real measure of a man is raising someone else's daughter. That's the measure of a man. Love makes families. And it's the warmth in his voice and the twinkle in his eye, like a towering oak tree. He sheltered me. He didn't want for the limelight. He's an unsung hero, making my world a better place to be. That's the measure of a man. Ask me and I'll tell you. That's the measure of a man. Love makes families. Hello and welcome. Bonjour à tous et toutes, vous qui êtes les intrépides auditeurs et auditrices en quête de nouvelles sonorités. Sur votre radio, eh bien, nous hissons les voiles pour une aventure musicale qui explore toutes les nuances du folk. Je m'appelle Eric Cooper et je suis votre compagnon d'écoute pour cette émission La Croisière Folk, qui est une expédition au travers des paysages sonores d'un genre qui évolue sans cesse. Des collines verdoyantes, des balades acoustiques, aux horizons illimités, des expérimentations folk, nous allons naviguer au travers de ces mélodies comme des découvreurs modernes. Alors attachez-vous, attachez vos ceintures et préparez-vous à une expérience musicale unique. On a démarré avec The Lost Embers, The Measure of a Man. C'est un groupe, et encore une fois de plus, c'est ceux qui se produisent sur cette chaîne YouTube où les artistes jouent dans des bateaux, The Narrowboat Session. The Lost Embers, c'est Charlotte Hatch et Rebecca Olive. Et vous pouvez voir la vidéo sur notre page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. N'hésitez pas à la liker. Alors, ce sont deux musiciennes talentueuses originaires du Yorkshire en Grande-Bretagne. Elles forment donc ce duo The Lost Embers et enchantent le public depuis plus de 5 ans. Leur complicité remonte à plus de 10 ans, une amitié née alors qu'elles gardent mutuellement leurs enfants. Charlotte a composé leur première chanson dédiée à son beau-père, The Measure of a Man, The Lost Embers. C'est leur page Facebook, n'hésitez pas à la liker. Et on va poursuivre avec Sandrine Kiberlin et Girl, extrait de son album Manquez plus que ça, album de 2005. La chanson Girl, c'est une chanson écrite par Lennon et McCartney. Alors, c'est pas vraiment un album folk, mais j'aime les côtés, les sonorités qu'il y a dans cet album. Et puis nous, on se concentre surtout sur la bonne musique. Vous savez, les genres et les styles, ben parfois, est-ce qu'on est tout à fait folk? Oui, je pense qu'on peut qualifier cette chanson de folk. Alors, qui est Sandrine Kiberlin? Eh bien, c'est une actrice, réalisatrice et chanteuse française. pour le côté de ses projets, bien sachez qu'elle joue le rôle principal dans le prochain film de Guillaume Niclou qui s'appelle Sarah Bernhardt, la divine. Je vais vous donner un petit peu le synopsis du film. L'action se passe en 1915. Sarah Bernhardt est la première star mondiale. Elle est libre, moderne, divine, excentrique, visionnaire. Entre légendes et fantasmes, Sarah Bernhardt nous confie l'histoire d'amour qui a marqué sa vie. C'est un film qui sera sur les écrans en décembre 2024. Et Sandrine Kiberlain, qui vient de chanter Girl, qui va chanter Girl, eh bien, elle joue le rôle de Sarah Bernhardt. Ensuite, il y aura Cathy Ryan avec Garden Valley et puis Christine Kane, Falling in Love with the Wind. Bienvenue, c'est la Croisière Folk que vous écoutez. Et croyez-moi, vous avez bien raison d'être là. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much, it makes you sorry. Still you don't regret a single day. When I think of all the time I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all these times I don't know why. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, cool, cool, cool. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? La Croisière Folk vous invite à découvrir l'âme du folk féminin. Stranger's room, playing at the stranger's table, shining empty like the moon. There is no peace for me, but in the darkness, struggle cold, I think about a garden valley, gentle as the leaves unfold, singing out along the Tay, distant and so far away. There is no peace for me. I'm blinded by your city lights. I wander through these colors fade to black and white. There is no peace for me. These are not the friends I know. These are not their smiling faces. A desert that no one should know. There is no peace for me. But in the darkness, struggle cold, I think about a garden valley, gentle as the leaves unfold, singing out along the tale, distant and so far away. City, a brave and broken girl, determined to search the world for some kind of wisdom. Yet another gypsy with just a single suitcase and more than a mild distaste for any convention. I came to this city before the coffee houses, before the tattoo palace, before I could breathe. And several angels walked me right through the darkest alleys till I could tell what's holy outside a cathedral. How will you go? With all the freaks and hippies, with what we called freedom. And all the poets taught me that there's a difference between free and just pretending not to see what you have run from. faces, and I'm saying now, you can go the long, long journey, 'cause you know it's enough to be gay. À l'instant, dans vos oreilles, Christine Kane, Falling in Love with the Wind. Et moi, je vous rappelle, parce que je ne vous rappelle pas, mais enfin, je vous le signale que deux fois par mois, nous avons une programmation 100% féminine. Et justement, ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aujourd'hui dans 1, 2, 3, c'est le nouvel album de Léa Jarry, cette autrice, compositrice, interprète québécoise. Comme avant, c'est le nom de cet album. Alors, Comme avant, c'est le résultat d'une introspection. Elle cherche à trouver les bases de son amour pour la musique. Cet album est né de sa reconnexion avec la musicienne qu'elle a toujours été, rappelant ses heures passées à composer, à jouer du piano dans sa chambre à Baie-Saint-Paul. Plutôt qu'un retour en arrière, cet album célèbre les expériences qui ont façonné son parcours artistique. Les 10 chansons de cet album abordent des thèmes sensibles et personnels, tels que les relations toxiques, la difficulté d'avoir des enfants, la mort, la religion et les choix déchirants de quitter ses proches pour suivre ses rêves. Les textes de cet album sont délicats et universels, touchant profondément l'auditeur. Musicalement, Comme avant, est le projet le plus élaboré de Léa Jarry, avec des arrangements vocaux sophistiqués et une instrumentation introspective incluant violon, pédale style, dobro, bouzouki et piano, ce dernier étant joué par Léa elle-même. L'album s'inspire de musiciennes contemporaines comme Carly Pearce et Maren Morris. Et Léa Jarry a écrit et co-réalisé elle-même toutes les chansons avec John Anthony Gagnon Robinette. Comme avant est un album touchant, capable de faire rire et danser tout en incitant à la réflexion, et ravivera les souvenirs les plus tendres du public. Et on va écouter 3 morceaux comme c'est donc l'habitude. Léa Jarry avec Au-dessus des roseaux, Porcelaine et La maison pour moi. Passez un bon moment musical avec cette découverte d'album dans 1, 2, 3. Léa Jarry, la québécoise, Comme avant, son album de 2023. Alors, mérite-t-il de figurer dans votre discothèque? Je vous laisse décider. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Éternel, il n'a jamais douté de ses ailes. Il sait comment aimer, il doit toujours protéger ce qu'il a pris le soin de chercher. Il dort toujours au chaud, bien à l'abri des vautours. Je ne sais pas s'il rêve, mais moi j'aimerais un jour quitter le sol qui s'étire et laisser tout ce qui me tourmente. Planer une heure ou me percher en retard pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Migrer, accompagner vos deux rythmes des saisons. Savoir quand revenir à la maison. Il porte ses couleurs sans jamais avoir peur qu'elles soient. trop vive ou trop effacée. Même en ouvrant mon cœur au risque de tomber, même en laissant sans la main, le temps de monter comme l'eau dans un désert. Après tant d'années, j'aimerais seulement pouvoir deviner sur quelle route et dans quel virage, après combien de mirages, mon pays sur le décalage, tu deviendras pour moi la lumière de son visage. Du parcours finit par s'en mêler. L'amour à contre-jour, loin de ma portée, j'aimerais seulement pouvoir l'approcher. Mais sur quel route, avant quel virage, après combien de mirages, mon pays sur le décalage, tu deviendras pour moi la lumière sur mon visage, le retour. C'est un nouvel album que vous venez de découvrir dans 1, 2, 3, celui de la Québécoise Léa Jarry, Comme avant. Vous avez écouté trois morceaux, Au-dessus des roseaux, Porcelaine et La maison pour moi. La poésie, eh bien, vous le savez, fait partie de cette émission depuis quasiment le début. Et puisque notre poète belge Maurice Carême fête les 125 ans de sa naissance, j'ai décidé de vous passer dans chaque émission pendant cette année un poème de Maurice Carême. Aujourd'hui, c'est La gare isolée. Alors, Maurice Carême, poète belge, né en 1899 et décédé en 1978, il est connu pour sa poésie simple et accessible, souvent destinée aux enfants, mais également appréciée par les lecteurs de tout âge. La gare isolée, c'est un poème qui, malgré sa simplicité apparente, ouvre la porte à de nombreuses interprétations. Il évoque des thèmes universels tels que la solitude, le passage du temps et la finitude de la vie, tout en utilisant des images concrètes et accessibles. Maurice Carême a réussi à toucher les lecteurs en utilisant des situations et des objets quotidiens pour aborder les questions existentielles profondes. Alors ce poème, La gare isolée, se trouve dans le recueil La lanterne magique, publié en 1947, et on ne sait pas si la gare qui est mentionnée, c'est un mix de plusieurs gares, ou la gare de la ville de Wavre dans laquelle il a vécu. Et puis juste après Maurice Carême, il y aura Susanna Hoff, Catch the Wind, Stacy J avec Seaside et Anna Alcaïde, extrait de son album Ritual de 2022. On écoutera Yezemi. J'espère que vous passez de bons moments. N'hésitez pas, si vous avez envie de m'envoyer un petit mot, eh bien c'est tout à fait possible. La croisière folk en un mot, @yahoo.com. On allume les lampes, un dernier pinson chante, la gare est émouvante. En ce soir de septembre, elle reste si seule à l'écart des maisons, si seule à regarder l'étoile du berger qui pleure à l'horizon entre deux vieux tilleuls. Parfois, un voyageur s'arrête sur le quai, mais si là, si distrait qu'il ne voit ni les lampes, ni le pinson qui chante, ni l'étoile qui pleure en ce soir de septembre. Et le banlieue le cueille, morne comme le vent qui disperse les feuilles sur la gare émouvante. et plus seul qu'avant. Stroll with me. Window shopping, buying nothing, walking on the sunny side of the street. Lazy talking, sharing thoughts, spot the shells under our feet. Cette semaine, la croisière folk vous invite à découvrir l'âme du folk féminin. Plongez dans l'univers enchanteur des artistes féminines de la scène folk. Préparez-vous à naviguer au travers des mélodies envoûtantes, des voix authentiques et des histoires racontées par les plus talentueuses musiciennes folk du monde entier. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Lai, lai, lai, lai, lai. La croisière folk est votre billet pour explorer le meilleur des artistes folk féminins d'hier et d'aujourd'hui. Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui. La croisière folk vous promet une expérience auditive riche et variée, reflétant la diversité et la profondeur de la musique folk féminine. Ne manquez pas ce rendez-vous unique où chaque note est une invitation à l'évasion, chaque chanson une histoire à partager. Ensemble, célébrons la magie et l'authenticité du folk féminin. La croisière folk, c'est plus qu'une émission, c'est une célébration de la diversité et du talent féminin dans le monde folk. Embarquez avec nous et laissez-vous porter par les vagues harmonieuses de la musique qui a traversé les temps. Un bon conseil, laissez-vous emporter par la croisière folk, votre escale musicale incontournable. La femme est l'avenir de l'homme. La croisière folk. Barcelona, we met in Ireland, we met in France. You read to me from your notebook, kept a poem in the pocket of your pants. I tried so hard to charm you with my Ulysses and my flower dress. And on a summer night in Bristol, by the boardwalk, we kissed. You took me down below the waterline, the waterline. Rocks and sand, broken fishing line, broken fishing line. Sinking down, leave my footprints in the sand. And glasses, curly hair long and red. You drank your whiskey from the bottle, rolled your cigarettes in bed. some stranger you knew. You took me down below the waterline, the waterline. Rocks and sand, broken fishing line, broken fishing line. Sinking down, leave my footprints in the sand. Disappearing below the waterline. I just wish I'd been a little more real to you. I just wish I'd been more real to myself. It was time for me to go. I wrote a letter from the airport, kept your photo in my drawer. You were everything I thought I wanted, a shadow, a vision, a ghost. You were cool, you were kind, you were sullen on that long drive to the coast. Where you took me down below the waterline, the waterline. Rocks and sand, broken fishing line, broken fishing line. I felt myself sink down, leave my footprints in the sand. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Aujourd'hui dans la Minute Astuce, eh bien je vais vous expliquer comment éplucher et découper un oignon sans pleurer. Alors comment ne pas avoir les yeux qui piquent et de grosses larmes qui coulent le long des joues quand on épluche et qu'on coupe un oignon? Alors il y a plusieurs trucs qui existent pour empêcher ce déferlement lacrymal qui est causé par l'alinase, qui est une enzyme qui se libère dès qu'on coupe l'oignon. Alors vous pouvez soit chausser des lunettes de plongée, de natation ou de ski, c'est un peu extrême, mais cela fonctionne. Sinon vous pouvez éplucher l'oignon sous un filet d'eau ou passer l'oignon sous l'eau avant de le couper, ou encore passer un filet de jus de citron sur la lame du couteau. Il y a une autre méthode plus surprenante qui consiste à placer l'extrémité d'une allumette entre les dents, le bout rouge vers l'extérieur, et à la garder aussi longtemps que vous ferez de l'épluchage d'oignons. Allez, après ce bon conseil, Valeria Ville, il futuro di una volta, et Scottish Fish avec Greenland Man. Célébrer la magie et l'authenticité du folk féminin grâce à la croisière non folk. Non ci sono più le canzoni di un tempo, non ci sono gli amori di una volta, e chi ama più volte non ha colpa. Non c'è più la frutta di un tempo, non si mangia più il pane di una volta e chi compra in offerta non importa, ma qui non venire per rimpiangere un mondo che non c'è, prendi un po' di stupore e portalo con te, non venire a giudicare la vita mia com'è, ruba un altro sorriso e un altro. Da solo non ascolta, non c'è più il futuro di un tempo, non ci sono i discorsi di una volta e non vedi rimpianto quanto costa, ma qui non venire per decidere il giusto che cos'è, prendi un po' di stupore e portalo con te, non venire a criticare il mondo mio com'è, ruba un altro sorriso. Oh, Ça y est, c'est fini. Et voilà, le temps passe dans cette croisière folk comme une mélodie qui s'éteint doucement. Mais sachez que notre passion pour la musique folk, elle ne s'éteindra jamais. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'oubliez pas de prendre le temps de savourer la richesse de la musique folk au quotidien. Bientôt pour de nouvelles aventures sur La Croisière Folk. Je rappelle, nous avons donc une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk, sur laquelle vous trouverez différentes vidéos des artistes que l'on diffuse et La Croisière Folk, donc la page Facebook. Mais aussi, on a une adresse si vous avez envie d'envoyer vos albums, si vous êtes artiste, ou simplement de nous dire ce que vous pensez de l'émission. La Croisière Folk, tout en un mot, @yahoo.com. Allez, on se quitte avec le Rena McKellitt, The Lady of Shalott. Merci de votre fidélité. Et comme je dis toujours, que la force soit avec l'homme et j'en bafouille. Vous savez quoi? C'est parce qu'il y a un pigeon qui est dans la corniche et que mon chat, il le regarde. Heureusement, la fenêtre est fermée. Donc, que disais-je? Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans la joie et dans la bonne humeur. Bye bye. I'll be back. Y'a quelqu'un? Personne? Oh, y'a quelqu'un? Ah. Faut régler ton problème, ça peut pas durer là. La Croisière Folk, c'est votre billet pour explorer le meilleur des artistes folk féminins d'hier et d'aujourd'hui. Pour les femmes, t'es chouette, les filles du bord de mer. La femme est l'avenir de l'homme. Long fields of barley and of rye, the cloth of gold underneath the sky, and through the fields the roam from by to many towered Camelot. And up and down the people go, gazing where the lilies blow, round an island there. Amongst the beaded barley, hear a song that echoes cheerily from the river winding clearly, flowing down to Camelot. And by the moon, the reapers weary, piling sheaves in our blunts array, listening whispers. Magic web with colors gay, she has heard a whisper say, a curse is on her if she stay, to look down to Camelot. She knows not what the curse may be, and so she weaves sturdily. Little other care hath she, the lady. Bow shot from her bower heaves, he rode between the motley sheaves. The sun came dazzling through the leaves and flamed upon the brazen greaves of bold Sir Lancelot. A red cross knight forever kneeled to a lady in his shield, and sparkled on the yellow field beside remote Shalott. She left the web, she left the loom, she made three paces through the room. She saw the water lily bloom, she saw the